السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. ثم أما بعد، فالحمد لله الذي أنعم علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، ومن هذه النعم التي من الله علينا بها نعمة شهر رمضان والصيام والقيام، فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا إلى شكره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، فموضوعنا أحكام صيام شهر رمضان. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: طالب العلم فريضة على كل مسلم، طالب العلم فريضة على كل مسلم، فما من عبادة أوجبها الله سبحانه وتعالى علينا إلا ونحتاج إلى أن نتفقه فيها. لأجل ذلك أحببت أن تكون كلمتنا في موضوع الصيام. Donc après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala, prié sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va entrer dans l'étude des règles qui ont un rapport avec le jeûne du mois de Ramadan. فالصيام لغة هو الإمساك. قال الله سبحانه وتعالى في سورة مريم: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فالمقصود بالصوم هنا الإمساك عن الكلام، الإمساك عن الكلام. أما شرعا هو الإمساك أو هو التعبد لله بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس مع النية. Donc الصيام, le jeûne, dans la langue arabe, c'est la retenue. C'est le fait de s'abstenir de faire une chose. Que ce soit de s'abstenir de parler, de manger, de marcher, et ainsi de suite. On appelle ça as-siyam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans Sourate Maryam: j'ai fait le vœu au tout miséricordieux de jeûner. Je ne parlerai donc à aucun être humain. Le sens du jeûne ici, c'est l'abstention de parler. C'est le fait de ne pas parler. C'est pour cela que la suite du verset est: je ne parlerai donc à aucun être humain. Donc, al-siyam lughatan wa al-imsak. Le jeûne dans la langue arabe, c'est la retenue. En ce qui concerne le sens religieux du terme, al-siyam, c'est une adoration qui vise à se retenir de manger, de boire, et de l'ensemble des choses pouvant annuler le jeûne, et cela de l'aube véridique jusqu'au coucher du soleil, avec une intention précise. C'est le fait d'adorer Allah en s'abstenant de manger, de boire, et de l'ensemble des choses qui peuvent nous faire rompre notre jeûne, annuler notre jeûne, et cela dans un temps déterminé, lequel? Du fajr jusqu'au maghrib, avec une intention. Voici la définition du jeûne dans l'islam. Voici la définition du jeûne dans l'islam. Wa ta'abbudu lillah. Faman sama himyatan ay takhfifan li waznihi aw 'adatan fa sawmuhu ghayru maqbul 'inda Allah. Li'annahu lam yukhlis 'amalah. Donc premièrement, c'est une adoration. Tu dois avoir l'intention d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala par ton acte. Celui qui s'abstient de manger, de boire, de danser, et ainsi de suite, mais pour un régime, par exemple, pour perdre du poids, son jeûne n'est pas accepté chez Allah, car il n'a pas mis l'intention de l'adoration. Celui qui jeûne par coutume, par habitude, sans avoir l'intention de se rapprocher d'Allah et d'adorer Allah, son jeûne n'est pas accepté chez Allah, car il n'a pas eu l'intention de la sincérité. Cela doit se réaliser en délaissant la nourriture, la boisson et l'ensemble de ce qui coupe le jeûne. Donc c'est une retenue déterminée, une retenue de choses précises. Une retenue de choses précises. Le temps aussi est délimité. C'est du fajr jusqu'au maghrib. Par contre, ce qu'on a l'habitude de voir sur certains calendriers, pendant le mois de Ramadan, ajouté à l'heure du fajr, on voit avant l'imsak. Cela n'a pas de base dans la religion. On a le droit de manger, de boire et ainsi de suite jusqu'au fajr. Et on n'a pas à s'interdire cela une demi-heure avant ou plus ou moins, non. Mais ça commence au fajr. Et ça se termine au maghrib. Ça se termine au maghrib. On ne doit pas volontairement retarder cela. Au contraire, la sunna est de s'empresser comme on le verra, inshallah, au fil des cours, inshallah ta'ala. Ma'aniyya, avec une intention. Avec une intention. Quelle est cette intention? Dans les livres de Aqidah, dans les livres de Tawhid, quand on parle d'intention, c'est l'ikhlas, al-mutabadir. Il a dit, c'est l'ikhlas. Dans les livres de fiqh, il y a plusieurs, le niyya a plusieurs sens. Ici, ce qui est voulu, c'est niyya tout tamiz, wa ta'in. Donc, tu dois avoir l'intention. Cette intention va te servir à délimiter et définir quel jeûne est-ce que tu jeûnes. Est-ce que c'est un jeûne obligatoire ou un jeûne surrogatoire? Si c'est une obligation, est-ce que c'est Ramadan, est-ce que c'est le kafara ou est-ce que c'est le nadr, et ainsi de suite. Donc, tu dois déterminer et délimiter ton jeûne. L'intention ici à mettre, c'est que c'est un jeûne obligatoire. Quelle obligation le jeûne de Ramadan? Voici l'intention que tu dois avoir en plus de l'ikhlas, en plus de la sincérité. وَذَلِلُ ذَلِكَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ مِنْ مَا نَوَى الْحَدِيثِ حَدْ عُمَرْ فِي الصَّحِحَيْنِ وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قال الله تعالى يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي هذا هو الشهد لأجلي هذه هي النية طيب لبقى de cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, les actes ne valent que par les intentions. Et chaque personne sera rétribuée selon son intention. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également, Allah le Très-Haut a dit, il délaisse sa nourriture, sa boisson, et ses désirs ou ses plaisirs pour moi. À la fin du hadith, ici, pour moi, voici la preuve de l'intention. Thaniyan, hukmu siyam. ثانيا حكم الصيام الصيام عن صيام رمضان صوم شهر رمضان واجب الوجوب عين وهذا بدلالة القرآن والسنة والإجماع فيقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما. Donc, quel est le jugement du jeûne du mois de Ramadan? C'est l'obligation. C'est une obligation. Allah dit dans le Coran, Ô vous qui avez cru, il vous a été prescrit le jeûne, tout comme il avait été prescrit à ceux qui étaient avant vous. Il vous a été prescrit, c'est-à-dire il vous a été rendu obligatoire. Kutiba eifuridha. Tout comme il a été rendu obligatoire aux gens avant vous, afin que vous atteigniez la piété. Allah aime également celui qui témoigne de ce moi, qu'il le jeûne. Wa hadha fi'lu amr. Wa al-amru lil wujub. Et Allah aime celui qui voit ce moi, qu'il le jeûne. C'est un ordre. C'est un ordre, donc c'est obligatoire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, jeûner à la vision de la lune. C'est un ordre. Et romper à la vision de la lune. Aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que c'est un pilier de l'islam. Un des cinq piliers de l'islam. Nous disant, l'islam est bâti sur cinq. Et il a cité en dernier, le jeûne du mois de Ramadan. Et l'ensemble de la communauté, il y a le consensus de l'ensemble de la communauté sur l'obligation de jeûner le mois de Ramadan. طيب ما أركان الصيام؟ Quels sont les piliers du jeûne? Il y a deux piliers. Et cela, on le comprend de la définition du jeûne. Le premier pilier, c'est l'imsak, la retenue, s'abstenir de manger, boire et l'ensemble des choses qui peuvent nous faire rompre notre jeûne. Le deuxième pilier, an-niyya, l'intention. Le premier pilier, c'est l'abstention de ce qui peut nous faire rompre notre jeûne. Le deuxième pilier, c'est l'intention. C'est l'intention. Rabi'an aqsam as-siyam. Quatrièmement, la division ou bien les différentes sortes de jeûnes. As-sawm ou as-siyam ala qismayn. Sawm wajib wa sawm tatawwu'. Le jeûne se divise en deux. Il y a le jeûne obligatoire et il y a le jeûne surérogatoire. Le jeûne obligatoire se divise en trois. Le jeûne obligatoire est de trois sortes. Sawm shahr Ramadan, al-kaffarat wa an-nadhr. Ramadan, al-kaffarat wa an-nadhr. Wa at-tatawwu' kathir minhu mathalan siyam yawm Arafah wa Ashura wa al-ithnayn wa al-khamis wa ayyam al-bayt wa ahlumma. Donc, les jeûnes obligatoires sont de trois sortes. Le jeûne du mois de Ramadan, les dédommagements, al-kaffarat, et al-nadr, les vœux, lorsque tu t'obliges à jeûner volontairement un jeûne. Et les jeûnes surrogatoires sont, il y en a de nombreux. Il y a de nombreux jeûnes, comme le jour de Arafah, le jour de Ashura, les jours de pleine lune, jeûner trois jours par mois, jeûner le lundi et le jeudi, jeûner la plupart du mois de Sha'ban, et ainsi de suite. Ensuite, shurut wujub siyam Ramadan. Mahi. Quelles sont les conditions qui, lorsqu'elles se réunissent sur une personne, la personne se verra dans l'obligation, se retrouvera dans l'obligation de jeûner ce mois. À partir du moment où on a su que Ramadan est un mois énorme, et qu'on était obligé de jeûner ce mois, pour qui cela est une obligation? Et qui se voit excusé devant cette obligation? Donc, nous voici devant les conditions de l'obligation du jeûne du mois de Ramadan. En d'autres termes, quelles sont les conditions qui, lorsqu'elles se réunissent sur une personne, ce dernier sera obligé de jeûner le mois de Ramadan? فشروطها أو شروط وجوب صوم شهر رمضان خمسة. Il y a cinq conditions. الشرط الأول الإسلام. الشرط الأول الإسلام. La première condition, c'est l'islam, c'est d'être musulman. En ce qui concerne le mécréant, l'associateur, il n'est pas obligé de jeûner. Et si le jeûne, son jeûne n'est pas accepté de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela ne veut pas dire qu'on ne lui demande pas, que Allah ne lui a pas demandé de faire telle obligation. ليس معنى ذلك أنه غير مخاطب بفروع الشريعة. بل المقصود لا نلزمه ولا نطالبه بالصيام حال كفره. Donc, le kafir ne jeûne pas. Et si le jeûne n'est pas accepté chez Allah subhanahu wa ta'ala, car il lui manque une des conditions d'acceptation, c'est l'islam, c'est l'ikhlas. Donc, tant qu'il est mécréant, on ne lui dit pas de jeûner. Mais on l'appelle plutôt à l'islam. On l'appelle à la sincérité, à croire au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à faire le témoignage, l'attestation de foi. S'il le fait, ensuite on lui ordonne de jeûner. Mais avant cela, non. Avant cela, non. Et la preuve de cela, c'est-à-dire que c'est pas une obligation pour les mécréants de jeûner. Et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, entre autres, وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. Allah nous dit dans le Coran, rien ne nous a empêché d'accepter leurs aumônes, ce qu'ils ont dépensé, si ce n'est qu'ils ont mécru en Allah et son message. De cela, les savants ont tiré que le mécréant, Allah n'accepte pas ses actes. Allah n'accepte pas ses actes. Et Allah dit dans le Coran, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. On a avancé ce qu'ils ont fait comme action, et on a rendu cela poussière éparpillée. Donc voici les actes des mécréants. وَإِذَا أَسْلَمَ الْكَافِرُ لَا نُطَالِبُهُ بِقَضَاءِ مَا مَضَى. Et si le mécréant se convertit à l'islam et embrasse l'islam, on ne lui demandera pas de rattraper les années passées. S'il se convertit, on ne lui demande pas de rattraper toutes les années où il n'a pas jeûné pendant sa mécréance, non. Car l'islam efface ce qui est passé. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah nous dit, قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ. Dis à ceux qui ont mécru, Allah nous dit, dis à ceux qui ont mécru, s'ils s'arrêtent, c'est-à-dire de mécroire en Allah subhanahu wa ta'ala et embrasse l'islam, on leur pardonnera ce qui est passé. Donc, le mécréant, s'il embrasse l'islam, se convertit à cette religion, qui est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors on ne lui demandera pas de rattraper toutes les années passées. Donc voici la première condition, l'islam. الشرط الثاني التكليف وهذا يشمل أمرين البلوغ والعقل البلوغ والعقل فالصغير لا يجب عليه الصيام وإن صام بعد أن بلغ سن التمييز صح صومه لوجود النية أما غير مميز لا نطالبه بالصيام لفقد النية وهذا بشرط أن يطيق ذلك أما الصغير إذا صعب عليه الصوم ولم يطيق ذلك فلا نعوده على الصيام فإلا الذي ينبغي على الأولياء أن يعودوا صبيانهم على الصيام كما في حديث أنس كما في حديث أنس رضي الله عنه. Donc la deuxième condition, c'est la responsabilité, et cela se réalise, et cela comprend plutôt deux choses. La première chose, la raison, et la deuxième, la puberté. Première chose, la raison, la deuxième, la puberté. L'enfant n'est pas obligé de jeûner, il ne prend pas de péché en ne jeûnant pas. Et si le jeune, après avoir atteint l'âge de la raison, qui se trouve en général plutôt l'âge de du discernement, ce qui se trouve en général aux alentours de 7 ans, ben son jeune sera accepté. Car il a l'intention. Par contre, en dessous de cela, il n'a pas l'intention. Comment est-ce qu'on va reconnaître, mais il convient aux responsables d'entraîner et d'encourager les enfants à jeûner, même avant leur puberté, même si ce n'est pas encore obligatoire, pour les entraîner dans ce bien-là et qu'ils atteignent l'âge de la puberté dans la droiture. Et la preuve de cela, le hadith d'Anas, où il nous enseigne que les compagnons faisaient jeûner leurs enfants. Et lorsque cela leur devenait difficile, ils leur donnaient des jouets pour les faire patienter. Mais cela à condition que l'enfant puisse supporter cela. Si c'est trop difficile pour l'enfant, on ne l'entraînera pas à jeûner, on ne lui dira pas de jeûner. Voyez, comment est-ce qu'on va savoir qu'une personne est pubère ? كيف نعرف أن الصغير قد بلغ؟ Comment est-ce qu'on va savoir quels sont les signes par lesquels l'enfant entre dans la puberté? On sait cela par une de trois choses. Pour l'homme, la première chose, طيب, qu'il atteigne, qu'il complète 15 ans. بإتمام 15 سنة. C'est-à-dire, il complète 15 ans et il va sur ses 16 ans. Là, il est automatiquement pubère. Il est obligé de jeûner. Le deuxième signe par lequel on atteint la puberté, نبت العانة, c'est d'avoir des poils au pubis, d'avoir des poils en bas. ثالثا إنزال المني بشهوة. C'est le fait que la personne ait du sperme avec désir. Que son liquide sort avec désir. S'il y a une de ces choses-là, une seule, la personne devient pubère. Il est obligé de jeûner le mois de Ramadan. Et on ajoute une chose pour les femmes, al-hayd, les menstrues, les règles. Si la femme trouve cela, voit cela, alors elle est obligée de jeûner. Et elle devient par ce signe-là pubère. Quand bien même elle n'aurait pas encore atteint un âge avancé, quand bien même elle aurait par exemple 9 ans ou bien 10 ans, elle deviendra pubère. Et elle sera obligée de jeûner tout le mois. On comprend de cela que c'est une grande faute que commettent certains parents en dispensant leur jeune fille de jeûner, quand bien même elles auraient eu leur première menstrue, sous prétexte qu'elles sont jeunes d'âge. Non, le signe c'est la puberté, c'est pas l'âge directement ici en ce qui concerne al-hayd. Donc celui qui trouve une de ces choses là est devenu pubère et donc obligé de jeûner. Tayyib, al-majnoun, celui qui a perdu la raison, il n'est pas obligé de jeûner. Et l'ensemble des obligations religieuses ne lui sont pas obligatoires, sauf ce qui est venu avec une preuve, comme les obligations pécuniaires, comme la zakat, et ainsi de suite. Sinon, à la base, il n'est pas obligé de toutes les obligations qu'on a, lui s'en voit dispenser. Également pour l'enfant. Al-Majnoun, il ne jeûne pas. Ça n'est pas obligatoire pour lui de jeûner. Et s'il jeûne, son jeûne n'est pas accepté. L'ifard est niya, car il n'a pas l'intention. Et s'il retrouve la raison à ce moment-là, l'obligation lui reviendra, tout comme l'enfant. S'il atteint la puberté, à ce moment-là, il sera obligé de jeûner. وَالدَّلِلُ ذَلِكْ رُفِعَ الْقَلَامِ أو رُفِعَ الْقَلَامُ عَفْوَانَ عَنْ ثَلَاثِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظُ وَالصَّغِيرُ والصغير حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق متفق عليه أو رواه البخاري. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, la plume a été levée pour trois catégories de personnes: celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille, l'enfant jusqu'à ce qu'il atteigne la puberté, et celui qui a perdu la raison jusqu'à ce qu'il la retrouve. On comprend de cela que l'enfant et celui qui n'a pas la raison se voient dispensés de l'obligation du jeûne de Ramadan. La troisième condition, la capacité. La troisième condition, c'est la capacité. Tu dois avoir la capacité de jeûner. Le contraire, c'est l'incapacité. L'incapacité est de deux sortes. L'incapacité passagère et celle de longue durée. L'incapacité passagère, c'est celle dont on espère sa disparition, comme une maladie, comme la femme qui est enceinte, ainsi de suite. Et l'incapacité de longue durée, c'est comme les cancers, le diabétique, et ainsi de suite. Taïb. Ou la vieillesse. D'accord? C'est des choses dont on n'espère pas la dissipation. Donc, dans le premier cas, celui qui a une incapacité passagère, yuftir wa wala wa alayhi qada. Donc, dans le premier cas, celui qui a une incapacité passagère, qu'est-ce qu'il doit faire? Il rompt son jeûne, il ne jeûne pas, mais il devra rattraper un nombre de jeûnes, de jours de jeûne égal. Il ne jeûne pas, d'accord? Et quand il aura la capacité, quand son problème sera passé, il rattrapera un nombre de jeûnes égal. C'est tout. Donc il convient de noter les jeûnes, les jours qu'il n'aura pas jeûné, afin que ne se produise pas un problème qui est très récurrent et dont on est questionné à ce sujet très souvent. J'ai oublié combien de jeûnes il me manque, j'ai oublié combien de jours j'étais en voyage, j'ai oublié. Non, il faut noter. Taïb. En ce qui concerne l'incapacité de longue durée, comme le diabétique, comme les personnes âgées, ainsi de suite, ces gens-là sont dispensés de jeûne, mais ils devront pour chaque jour non jeûné nourrir un pauvre. Taïb. La yasum wa alayhi ta'am miskin li kulli yawm. Donc, celui qui a un problème de longue durée, une incapacité de longue durée, devra nourrir chaque jour un pauvre. Il ne jeûne pas, mais il devra nourrir chaque jour un pauvre. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, wa alladhina yutiquna fidyatun ta'am miskin. Et ceux qui ont de la difficulté devront chaque jour nourrir un pauvre. Taïb. Ou bien ceux qui ont la capacité devront, ceux qui sont dans la capacité devront chaque jour nourrir un pauvre. Taïb. Ce verset-là est abrogé en ce qui concerne at-tahir. Ça, c'était au début de l'islam. Si tu voulais, tu jeûnais le mois de Ramadan, et si tu avais la capacité de jeûner et que tu voulais pas jeûner, tu devais nourrir un pauvre. Ça a été abrogé. On est tous obligés de jeûner. Mais c'est resté pour qui? C'est resté pour ceux qui n'ont pas la capacité. C'est resté pour ceux qui n'ont pas la capacité. Et pour celui qui dirait que oui, mais ce verset est abrogé, comment on peut l'utiliser? Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala répond à ce problème disant: "Al fidyatu kanat 'adilan 'an as-sawm 'an al-qadir fi awwal al-amr, fa baqiya 'adilan fi halati 'adam al-qudrah." Donc, ça au début de l'islam, c'était pour ceux qui avaient la capacité, et c'est à plus forte raison, et c'est resté pour celui qui n'a pas la capacité. Donc celui qui ne peut pas jeûner, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit nourrir un pauvre chaque jour. Amma kayfiyatul it'am, comment tu vas nourrir un pauvre? Tu as plusieurs façons. La première façon, c'est de préparer de la nourriture chez toi, et de l'inviter et de lui donner un repas. À lui donner un repas avec par lequel il sera rassasié. C'est ça la portion. D'accord? C'est pas des kilos déterminés, ça doit pas coûter un prix précis, non. Un repas par lequel il sera rassasié. Une assiette par laquelle il sera rassasié. Ça y est. Une deuxième façon, c'est d'acheter de la nourriture. T'achètes de la nourriture et tu lui donnes. Et lui, il préparera cela chez lui. Même si la première façon est mieux, meilleure, cette façon est, la deuxième est autorisée. C'est lui donner comme cela, non préparé. Tu achètes par exemple un kilo de pâtes et ceci et cela et tu lui donnes. D'accord? Dans ce cas-là, les savants disent, dans ce cas-là, il convient de lui donner un petit peu de viande avec. C'est mieux et c'est préférable c'est souhaitable de lui donner un petit peu de viande avec. Ensuite, sachez qu'il peut faire cela jour après jour. D'accord? À partir du moment où le fajr entre, il lui était demandé de jeûner. Mais il ne peut pas, donc il a coupé son jeûne. À ce moment-là, il doit nourrir un pauvre. À ce moment-là, il doit nourrir un pauvre. Il a le choix. Soit il fait ça jour par jour, D'accord ? Il ne jeûne pas, le soir il nourrit un pauvre. Ou dans la journée ou la matinée. Ou il attend quelques jours et il réunit. Par exemple, tous les 10 jours, il nourrit 10 pauvres. Donc tu as le choix. Soit tu fais jour par jour, soit tu fais cela groupé. D'accord ? Par exemple, tu attends le 15e jour et tu fais deux grands plats qui convient et suffisent à 15 personnes et ils mangent. Donc tu as le choix. Tu as le choix. Tayyib. Ensuite, la condition suivante, al-iqama, le fait d'être résident. Al-musafiru la yajibu alayhi. Celui qui est en voyage a le choix. Il n'est pas obligé de jeûner. S'il veut, il coupe son jeûne et rattrapera un nombre de jours égal. Donc cette condition, la quatrième condition, elle est iqama, le fait d'être résident, le fait de ne pas être en voyage. قال الله فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. Allah dit dans le Coran, celui qui est malade ou en voyage a un nombre de jours égal. C'est-à-dire, celui qui est en voyage ou celui qui est malade ou en voyage, puis rompt son jeûne, ben celui-ci devra jeûner un nombre de jours égal. Celui-ci devra jeûner un nombre de jours égal. Donc celui qui n'est pas résident n'est pas obligé de jeûner. وَإِنْ صَامَ صَوْمُ صَحِحِ. Et s'il jeûne, son jeûne est valide. Valable. لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ عَنْ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَبَعْدِ أَصْحَابِ أَنَّهُمْ صَامُوا فِي السَّفَرِ. أَنَّهُمْ صَامُوا فِي السَّفَرِ. La preuve, donc celui, si le jeûne, le voyageur, son jeûne est accepté car le prophète sallam a déjà jeûné en voyage. Et certains de ses compagnons également jeûné en voyage. Tayyib. وَمَا الْأَوْلَى لِلْمُسَافِرِ الصَّوْمُ أَوْ الْفِطْرِ. Maintenant une question qui se pose, quelle est la meilleure chose à faire pour celui qui est en voyage? Est-ce que le mieux pour lui est de jeûner? Ou est-ce que le mieux pour lui est de rompre son jeûne et de rattraper plus tard? Et de rattraper plus tard. Les savants ont divergé dans cela. Certains ont dit as-sawmu fi haqqi awla. Wa hadha qawl ash-Shafi'iyyah. Certains ont dit c'est mieux pour lui de jeûner car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tayyib laysa min al-birr as-sawmu fi as-safar. Ne fait pas partie de la piété le fait de jeûner en voyage. D'autres ont dit le mieux pour lui c'est de rompre son jeûne. Was-sawmu fi haqqihi makruh. وهذا قول الحنابلة وهذا قول الحنابلة واستدلوا عفوا طيب الحنابلة قالوا الصوم مكروه واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر. الحنابلة ont dit le jeûne en voyage c'est détestable, en voyage c'est détestable, et ils ont utilisé la parole pour argumenter cela. Ils ont dit car le prophète صلى الله عليه وسلم a dit ça ne fait pas partie de la piété le fait de jeûner en voyage. Al-Shafi'iyya on dit as-sawmu awla, de jeûner c'est mieux, de jeûner c'est mieux car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné en voyage. Tayyib. Al-Hanabila ont également utilisé le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit inna Allah yuhibbu أن تؤتى رخصة كما يكره أن تؤتى معصية. Le prophète sallam a dit Allah aime que vous preniez les facilités dont il vous a fait don comme il déteste que vous lui désobéissiez. Donc ils ont dit c'est mieux de rompre le jeûne. Tayyib, ça c'est la parole de l'Hanabila. Al-Shafi'i ont dit c'est mieux de jeûner. C'est mieux de jeûner. Et la réponse la plus sage est de dire يفعل الأيسر له. يفعل الأيسر له. Il fait ce qui lui est le plus simple, le plus facile. Si quand tu es en voyage, pour toi le plus simple c'est de jeûner, alors jeûne. C'est mieux de jeûner. Mais tu as le droit de ne pas jeûner. Et si c'est difficile pour toi lorsque tu es en voyage, le mieux c'est de ne pas jeûner. Et de rattraper cela dans l'année. Et de rattraper cela dans l'année. D'accord ? Et ça c'est la parole d'Ibn Uthaymeen. Ça, wa hadha tarjih Ibn Uthaymin rahimallahu ta'ala wa ghayrihi min ahli al-'ilm. Donc l'avis le plus plausible est de dire, on ne dit pas dans un caractère absolu que c'est mieux de jeûner ou que c'est mieux de rompre le jeûne. Mais on regarde la situation du voyageur et on lui demande, c'est quoi le plus simple pour toi? Si le plus simple pour lui c'est de jeûner, alors il jeûne. Le plus simple c'est de rompre le jeûne, alors il rompt son jeûne. Taïb, si, et la preuve qu'il a le choix, c'est qu'un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a posé la question en voyage. Est-ce qu'il jeûne ou est-ce qu'il rompt son jeûne? Le prophète lui a dit, si tu veux jeûne et si tu veux rompre ton jeûne. Si tu veux jeûne et si tu veux ne jeûne pas. Taïb. Et certains ont voyagé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et on dit, certains parmi nous jeûnaient et d'autres parmi nous ne jeûnaient pas. Et ceux qui jeûnaient n'ont pas fait de reproches à ceux qui ne jeûnaient pas, et ceux qui ne jeûnaient pas n'ont pas fait de reproches à ceux qui jeûnaient. Donc tu ne dois pas réprimander ceux qui ne jeûnent pas en voyage. Non, c'est une facilité qu'Allah leur a donnée. Celui qui veut l'utiliser, l'utilise. Et personne ne doit réprimander l'autre groupe. Taïb, maintenant, dans le cas où le fait de jeûner et le fait de rompre son jeûne, c'est égal pour la personne qui est en voyage. Qu'il jeûne ou qu'il ne jeûne pas, ce sera égal pour lui dans la difficulté. Taïb, ce sera égal pour lui dans la difficulté. Ça ne sera pas facile pour lui de rattraper ses jeûnes en dehors de Ramadan. Qu'est-ce qu'on lui dit à lui et qu'est-ce qu'on lui conseille? Dans ce cas-là, as-sawmu fi haqqi awla li'iddati 'ilal. Ulaha أنه صام في شهر رمضان والصيام في شهر رمضان أولى وأفضل وأبرك من الصيام في غيره من الأشهر. ثانيا صام مع الجماعة والصيام مع الجماعة أيسر. ثالثا هو أبرأ للذمة. طيب. Donc si ça lui est égal, alors le mieux c'est qu'il jeûne. Pourquoi? Parce qu'il aura enlevé sa responsabilité, accompli son obligation. Il ne sait pas ce qui pourra se passer après. Deuxièmement, il aura jeûné pendant le mois de Ramadan. Et jeûner le mois de Ramadan, c'est mieux que de rattraper en dehors du mois de Ramadan. Car ce mois-là, il est plus béni. Et troisièmement, il aura su jeûner avec le groupe. Et c'est plus facile, car il y a l'effet de groupe, c'est plus simple de jeûner. Car tout le monde fait cette adoration-là au même moment. D'accord? Par contre, de rattraper tout seul, c'est plus difficile. Taïb. Maintenant, si c'est difficile pour lui de jeûner en voyage, le mieux c'est qu'il rompe son jeûne. Le mieux c'est qu'il rompe son jeûne. Car le prophète sallam a vu des gens sous le soleil jeûner, il leur a dit, et il a vu des gens qui avaient vraiment beaucoup de mal, il leur a dit, ça ne fait pas partie de la piété de jeûner. Donc on dira pour ceux qui trouvent la difficulté à jeûner, on lui dit, vraiment de la difficulté, on lui dit, le mieux pour toi, c'est de rompre son jeûne, de rompre ton jeûne. La dernière condition, on s'arrêtera sur cela. Al-khulu'u min al-mawani' wal-maqsudu bidhalik al-hayd wan-nifas. Tayyib. La dernière condition, et ça c'est propre aux femmes, c'est le fait de ne pas avoir d'empêchement, c'est-à-dire de ne pas avoir ni ses menstrues ni an-nifas, le sang qui sort. Donc les menstrues c'est l'écoulement périodique qu'ont les femmes, et an-nifas c'est le sang qui sort, qui s'écoule après l'accouchement, les lochers. Donc, la femme, si elle trouve ce sang-là, qui est impur, elle ne devra pas jeûner. Le jeûne, dans son cas, ne lui sera pas obligatoire, premièrement. Deuxièmement, c'est interdit qu'elle jeûne. Et troisièmement, si elle jeûne, ce n'est pas accepté. Donc, la femme, lorsqu'elle a ses menstrues, elle n'est pas obligée de jeûner. Ça lui est même interdit. Et si elle jeûne, elle prend un péché. Si la jeune apprend à pécher, cela doit être enseigné aux jeunes filles depuis leur enfance. Car on a déjà trouvé des ignorantes parmi les femmes qui ont jeûné même pendant leur menstrue. Et cela a longtemps, avant de savoir que cela n'était pas permis dans l'islam. Avant de savoir que cela, na'am, n'était pas permis dans l'islam. Taïb. Est-ce qu'elle doit les rattraper? Non, ça, c'est la suite. طيب. لحديث أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم. Quelle est la preuve que la femme ne doit pas jeûner il n'est pas obligé de jeûner pendant le mois de Ramadan, c'est que Aïcha a dit une femme, c'est que le Prophète a dit, n'est-ce pas que lorsque vous êtes en période menstruelle, vous ne jeûnez pas ni ne priez. Donc ici le Prophète a affirmé, d'accord, le fait que la femme en période menstruelle ne jeûne pas ni ne prie. Ne jeûne pas ni ne prie. Et lorsqu'elle se voit purifiée de ce sang-là, elle devra rattraper ses jours. Et lorsqu'elle se voit purifiée de son sang-là, lorsque ses menstrues s'arrêtent ou ses logis s'arrêtent, se terminent, à partir de ce moment, elle devra rattraper. Elle devra rattraper. La preuve de cela est que Aïcha radiallahu anha a dit كان يصيبنا ذلك أي الحين فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. Aïcha a dit, lorsque cela nous touchait, c'est-à-dire les menstrues, on nous ordonnait de rattraper les jours de jeûne du mois de Ramadan et on ne nous ordonnait pas de rattraper les prières manquées. Donc la femme doit noter le nombre de jours durant lesquels elle était indisposée et les rattraper en dehors, après le mois de Ramadan. Elle devra les rattraper après le mois de Ramadan. Taïb, combien de temps est-ce que on a pour rattraper? Yajibu al-qada ala tarahi, la ala al-fawr. On est obligé de jeûner, mais pour cela, on a jusqu'au mois de Ramadan prochain, de l'année suivante. Mais le mieux, c'est de les rattraper le plus rapidement possible en optant pour la facilité. C'est-à-dire, comme le fait par exemple de jeûner en hiver, ou comme le fait par exemple d'espacer les jours, et ainsi de suite. Taïb. Donc avec cela, Inch'Allah, on a complété les conditions d'obligation, na'am, du jeûne. Les conditions d'obligation du jeûne. Et on a vu en premier la définition, c'est la retenue. Ensuite, la définition religieusement, c'est le fait d'adorer Allah en se privant de manger, de boire, tout ce qui peut nous faire rompre, nous couper notre jeûne. Et cela du Fajr jusqu'au Maghrib avec l'intention. C'est-à-dire l'intention que c'est un jeûne obligatoire et c'est celui du mois de Ramadan. Taïb. Puis, on a vu les différentes sortes de siyam, l'obligatoire, de jeûne, na'am, l'obligatoire et le surrogatoire. D'accord? On a vu que le jeûne obligatoire se divisait en trois. As-siyam, yani sawm Ramadan, wal-kaffarat, wal-nadr. Taïb. Puis, après cela, on est rentré dans les conditions. Na'am. Taïb. On a vu le jugement aussi. On a vu les piliers du jeûne de Ramadan avant cela, qu'ils étaient au nombre de deux. Taïb, al-imsak, la retenue et l'intention. Voici les deux piliers du jeûne de Ramadan. Ensuite, on a vu le jugement, c'est l'obligation. Taïb, puis on a vu la division du jeûne. Et on a conclu par cela, c'est-à-dire les conditions d'obligation du jeûne et qu'ils étaient au nombre de cinq. Le premier, l'islam. Le deuxième, la responsabilité, ce qui comprend la puberté et la raison. Troisièmement, el-qudra, la capacité. Quatrièmement, el-iqama, le fait d'être résident, non en voyage. Et dernièrement, le fait de ne pas avoir pour les femmes les menstrues et les lochis. Naktafi bidhalik. Wa inshallah, sanouasil. Sanouasil, fil-usbu' al-ati, inshallah, ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.